Je vous assure que vous m'avez fait bien souffrir. » Elle reprit, avec une sorte de lamentation de la voix. « Mais j'avais peur pour mon enfant. » Elle lui conta la maladie du petit Eugène et toutes les angoisses de cette journée. « Merci, merci, je ne doute plus. Je vous aime comme toujours. »« Et non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ?» Elle regarda froidement. « Vous oubliez l'autre, celle que vous promenez aux courses, la femme dont vous avez le portrait, votre maîtresse. »« Eh bien oui, » s'écria Frédéric, « je ne nie rien. Je suis un misérable, écoutez-moi. » S'il l'avait eue, c'était par désespoir, comme on se suicide. Du reste, il l'avait rendue fort malheureuse, pour se venger sur elle de sa propre honte. Quel supplice, vous ne comprenez pas? Madame Arnoux tourna son beau visage en lui tendant la main. Ils fermèrent les yeux, absorbés dans une ivresse qui était comme un bercement doux et infini. Puis, ils restèrent à se contempler, face à face, l'un près de l'autre. Est-ce que vous pouviez croire que je ne vous aimais plus? Elle répondit d'une voix basse, pleine de caresses. Non, en dépit de tout, je sentais au fond de mon cœur que cela était impossible et qu'un jour, l'obstacle entre nous deux s'évanouirait. Moi aussi, et j'avais besoin de vous revoir, à en mourir. Une fois, reprit-elle, dans le palais royal, j'ai passé à côté de vous. Vraiment? Il lui dit le bonheur qu'il avait eu en la retrouvant chez les D'Ambreuse. Mais, comme je vous détestais le soir, en sortant de là. Pauvre garçon. Ma vie est si triste. Et la mienne. S'il n'y avait que les chagrins, les inquiétudes, les humiliations, tout ce que j'endure comme épouse et comme mère, puisqu'on doit mourir, je ne me plaindrais pas. Ce qu'il y a d'affreux, c'est ma solitude, sans personne. Mais je suis là, moi. Oh oui.